Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1970, Noël tombait un vendredi, mais sur France Culture, on le fêtait déjà le jeudi, en la personne du talentueux Joe Noël, bruiteur de son état, qui officia durant plusieurs décennies sur les ondes des radios nationales, avant même que n'existe notre maison ronde. Dans bon nombre des dramatiques archivées que nous rediffusons, les pas mystérieux, les portes qui grincent, les bûches qui crépitent dans la cheminée, le tonnerre au loin, la chute d'un corps ou la plume qui gratte le parchemin sont des créations de Joe Noël. C'est le cas aussi des chants d'oiseaux, aboiements, miaulements et d'une multitude d'autres cris d'animaux qu'il était capable, sans accessoires, de reproduire à la perfection, comme il le prouvait dans ce numéro de contre-chant que nous allons entendre, dans lequel il était invité à parler de son métier, à raconter une existence dominée par les bruits et les sons de toutes sortes. Contre-chant, Joe Noël, bruiteur, une émission de Dominique Varenne, diffusée la première fois le 24 décembre 1970 sur France Culture. Moi qui te parle, quand je vais en forêt, c'est pour jouer, pas pour tirer. Avec tout plein de bonnes choses à manger, approchez tous, c'est ma tournée, allez. Alors ils viennent tout autour de moi, et l'on se fait un fraïcala. Je suis de la famille et l'on parle entre nous, de la pluie, du beau temps, de tout et de tout. Chacun son tour, allons. Oh, vous avez raison, ça. Oh, pas d'accord avec vous. On est tellement content. Demandez à monsieur Lapin, moi. On verra ça demain. C'est vous, Joe Noël, qui avez fait toutes ces jolies voix d'animaux. Oui, ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs de faire ça un soir avec Beko. C'est donc Silly Symphony. Et comment se fait-il alors que vous sachiez comme ça parler oiseaux, parler canards, parler crocodiles? Ah, je crois que vous savez que c'est d'un don de nature. Ça, j'ai été gâté par la nature. Vous appelez ça de gâté par la nature? J'ai été gâté par la nature, oui. Parce que d'abord, premièrement, moi j'aime beaucoup les animaux. J'aime bien parler avec eux, j'aime bien m'intéresser aux animaux. D'ailleurs, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça vous est venu comme ça? Parce que vous aviez des contacts avec les animaux? Eh bien, écoutez, vous voyez ce que c'est que de travailler de très bonne heure le matin, on s'ennuie un petit peu dans la matinée. Je disais, moi, à 5h du matin, par exemple, j'allais livrer mes petits pots de lait et je m'amusais à répondre à un merle. Il y avait un merle dans un arbre. Je m'amusais à lui répondre. Alors ça donnait... Et lui, il me répondait. Et j'étais fier de ça. Alors un jour, j'ai voulu essayer avec autre chose. J'ai commencé à faire, par exemple, pour traverser la rue, donner un coup de sifflet. Les voitures s'arrêtaient, je me cachais, et hop, je repartais. Et puis ainsi de suite, comme ça. Et un jour, j'ai rencontré un client un peu banal d'ailleurs, qui s'appelait Jean de Lettres. Et qui tenait un cabaret rue Saint-André-des-Arts qui s'appelait le cabaret de la cloche. Alors là, il y avait déjà pas mal d'acteurs. Et il me dit, écoute, tu sais pas, avec ce que tu sais faire, un soir, tu devrais passer à amuser mes clients. Je dis, moi, je sais pas faire grand-chose. Mais si, ce que tu sais faire, tu vas le faire, et puis ça va amuser les clients. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à faire tout un tas d'animaux comme ça. Et puis, je faisais déjà quelques moteurs pour m'amuser. Les bruits de la scie, les bruits du train, les bruits de l'avion, les bruits de n'importe quoi. Hein. Les instruments de musique. Du coup, j'ai lâché l'épicerie, je suis rentré chez lui, et j'ai toujours fait du cabaret ou du musical. J'ai arrêté il y a 5 ans, bien sûr, parce que maintenant je commence un peu à prendre de l'âge, mais disons que j'ai quand même gardé tout à fait le contact avec la radio, puisque je suis à la radio, disons, depuis 1936, je fais de la radio. Et j'ai donc fait de la radio en tant qu'imitateur au départ. Et puis après la guerre, en 44, j'étais dans un grand gala à la télévision, Recognac-Jay. Et là, j'ai rencontré pas mal de personnalités, dont une personnalité du dramatique qui s'appelait Delferrière, et qui m'avait demandé si je pouvais pas compléter mes imitations avec des bruits au matériel. et que ça lui rendrait bien service pour ses émissions, tout ça. Il me dit, tu sais ce que c'est que ce métier de bruiteur? Non, pas du tout. Ben, tu vas l'apprendre, tu vas voir, c'est facile. Et de fil en aiguille, eh bien, je suis toujours à la radio. Ça fait une paye de ça. Vous êtes bruiteur à la radio. Je suis bruiteur à la radio. C'est un beau métier, d'ailleurs. C'est un beau métier. Ah oui, c'est un beau métier. Vous êtes très content de faire ce métier. Ah oui, moi j'adore ça. Je m'amuse, d'ailleurs. Je m'amuse continuellement. Oui. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ici? On ne travaille pas sérieusement, on s'amuse. On crée, on joue, on blague. C'est vraiment un beau métier pour ça. Enfin, on ne s'amuse pas toujours, mais on essaye. Et dans quoi travaillez-vous? Alors, on fait appel à vous pour des émissions, pour des dramatiques, donc oui. Pour des émissions de variété également. Pour les émissions de variété aussi, oui. Voyez-vous, par exemple, dans les émissions de variété ou autres, s'il y a apporté un peu de matériel ou autre, les comédiens n'ont pas ça. Par exemple, si je vous disais que dans beaucoup de cas, on m'appelle pour faire un chien, pour faire un chat, faire un bébé qui pleure. Alors là, je suis tout à fait... Dans une variété. Oui, dans les variétés. Mais même dans les dramatiques. Mmh. Les dramatiques aussi. Dans les dramatiques, quand il y a un chien, on ne va pas prendre un disque de chien. Parce que si le chien doit se mettre dans une ambiance, une certaine ambiance avec son maître, ce n'est pas possible avec un disque. Oui. Tandis que le personnage vivant étant là, oui. Moi, le chien, je me mets dans la peau du personnage. Et je joue mon chien avec le comédien. Faites-moi un épagnol breton. Je viens d'en faire un à côté au studio à côté tout à l'heure. Ah bon? Oui, un Groenendal. Ça, c'est le méchant. Ah, c'est méchant, c'est gentil. Hein. C'est gentil. C'est drôle parce qu'on les reconnaît donc vraiment. Hein. Ah oui, oui, oui. Vous savez, il faut vivre avec les bêtes aussi hein, pour bien les oui, faire. Oui, mais comment donc vous m'avez dit que vous travailliez dans l'épicerie, mais c'est venu comment? Vous êtes né où? Est-ce que vous êtes né à la campagne, par ah exemple? Ah non, pas du tout. Je suis né à Paris. Oui. Mais oui. Et vous, à Paris, ça. Vous n'avez connu que des pigeons, non? J'ai connu que des pigeons, oui, des bien chiens. Sûr. Mais enfin, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la nature m'a donné avec une facilité d'apprendre et de recopier les choses que je vois, que j'entends. Ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup en France. Hein. L'imitateur bruiteur, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est pas facile, bien entendu. Ça se fait pas comme ça. Hein. Non, et puis, d'ailleurs, en France, il n'y a pas beaucoup de bruiteurs. Il y en a quoi, peut-être 6 au cinéma et 6 à la radio. C'est tout ah ce bon? Qu'il y a. Et pourtant, c'est un métier bien agréable, croyez-moi. Vous savez, il faut nous voir travailler, des fois. Hein. On s'amuse. D'ailleurs, si on ne s'amusait pas, le métier nous embêterait. Parce que c'est un métier où on doit constamment être dans l'action. Je vous dis une bête, bon d'accord, mais dans les pieds également, parce que le pas du personnage. Vous savez qu'un comédien ne sait pas marcher, il ne sait pas ouvrir ses portes. Enfin, il sait marcher sur une scène de théâtre quand oui, même. Oui, c'est un fait, mais dès qu'il est à la radio, il oublie tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a un texte à lire et qu'il est préoccupé par son texte. D'abord, premièrement, il ne faut pas qu'il fasse de bruit, alors il est très embêté de ne pas faire de bruit avec son texte. Et ensuite, il faut qu'il joue la comédie, mais en respectant le micro. Et puis quand il est bloqué au micro avec son texte et tout ça, si il doit se promener par exemple sur le gravier ou sur le sable ou sur du marbre, eh bien c'est moi qui le fais pour lui, je marche à côté de lui, sur place. C'est-à-dire que l'on met dans le studio, donc on met des planchers, oui. On met des endroits à gravier, des choses comme ça. C'est ça. Alors évidemment, il faut que soudain le comédien, alors qu'il lit un texte, se promène sur 1 mètre carré de gravier. Alors oui. Évidemment, ça devient quelque chose d'assez à côté et ça le gêne sans oui, doute. Oui, ça le gêne. Et vous, c'est votre spécialité de faire ça, de vous voilà. Promener sur 1 mètre carré c'est de gravier ça. En c'est faisant ça. Croire c'est que c'est un chemin de cour ou jardin. C'est ça. D'ailleurs, moi je ne suis pas forcé d'être au même micro que lui, j'ai un petit micro pour moi. Qui est pas plus haut que 40-50 cm de terre. Et alors, je marche là. Il peut être très loin de moi, le comédien, ça ne fait rien. Si les micros sont mis dans la même ambiance, ça ne fait rien que je sois très loin de lui. Oui, à ce moment-là, c'est le technicien. C'est le technicien qui fait tout le restant, voilà. Qui intervient. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, on travaille énormément avec la technique, puisque la technique, c'est elle qui nous guide, au fond. Parce que nous travaillons, d'accord, mais nous ne savons pas si c'est bon. Vous savez que toute chose que l'on fait dans le studio, une fois que ça passe à travers le micro et que se reproduit dans la cabine, c'est déjà plus la même chose. Au fond, vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit dans ce métier-là. Le vrai est faux, et le faux devient vrai. C'est le trucage qui fait que on le met dans la réalité. On s'en est beaucoup aperçu. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai des promenades à faire en forêt ou autre, eh bien, je mets de la bande magnétique sous mes pieds et je marche sur la bande magnétique. Ça donne très bien, ça donne exactement comme de l'herbe. Ah bon? Mais oui, c'est comme des feuilles mortes dans la forêt, etc. Mais est-ce que vous vous basez sur quoi pour faire ça? Est-ce que vous avez marché dans une forêt et écouté le bruit que ça faisait pour pouvoir le refaire comme ça? Oui, sur c'est vos exactement ça. Oui, j'ai une oreille très développée et le moindre bruit que j'entends, je me dis « Ah, attention, eh bien, avec ça, je peux faire ça. » C'est-à-dire que je me dis « Avec les bandes magnétiques, ça fait exactement ce que j'ai entendu dans le bois. » Quand on fait des incendies, c'est pareil. L'incendie, ce sont des craquements, ce sont des petites choses comme ça que vous entendez. Des crépitements. Bon, des petits crépitements. Eh bien, vous voyez, ça, c'est pas gros, puisque c'est un petit étui de cigare. Eh bien, on fait un incendie avec ça. Vous voyez ? Qu'on fait avec rien, je viens de le trouver là sur la table, mais vous voyez, je vous fais quelque chose avec. Et comment ça se passe chez vous, là? Vous faites ça mécaniquement? Est-ce que vous prenez ce papier et est-ce que ça se vient comme ah, ça? Ah oui, ou non, ça se fait avec une certaine façon, il faut... C'est une technique quand ah, même. Ah oui, c'est hein. une technique. C'est hein. pas seulement une inspiration. Ah, non, l'inspiration non, vous est venue peut-être la première ah, fois oui, oui, à c'est la recherche. Ça, c'est ça, la première fois on fait... Tiens, mais ça c'est drôle, ça fait quelque chose. Oui. Ça fait quoi ça? Alors je dis au technicien, dis-moi, qu'est-ce que ça fait là-bas de l'autre côté? Ah ben, dis-lui, on dirait un petit craquement de feu. Hein, ah bon, ben alors on va le soigner. Et alors, à partir de là, alors on soigne. Alors là, on le soigne. Vous voyez, on le gâte, ça y est. On va y arriver au bon bruit. Et puis c'est tout comme ça. Tous les bruits doivent être étudiés comme ça. Et vous me dites que vous travaillez avec plaisir et on voit vos yeux briller. Et vous êtes tout content de faire vos petits bruits avec vos petits papiers. Oh, c'est merveilleux. Mais dites-moi, de toute façon, quand on travaille sans plaisir, on peut pas ah non, vivre. On peut pas comment travailler sans plaisir. Mais si je devais travailler sans plaisir, je changerais de métier tout de suite. Eh ben voilà, alors je crois que c'est ça. Que les gens qui travaillent sans plaisir, eh bien, ils ont une solution, c'est de changer de métier. Alors, on prend la peine de s'embêter dans un métier qu'on n'aime pas. Parce que la vie est courte, et quoi. Ben, il faut faire un métier qui vous plaît et dans lequel on va se faire plaisir, enfin, puis inventer des choses, quoi. Ben, c'est exactement dans ça. Dans n'importe quel métier, on peut c'est inventer des choses. C'est exactement ça, d'ailleurs. Ce qui est plaisant dans ce métier, c'est de rechercher. Il faut toujours rechercher quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de nouveau à la technique moderne de ce métier, comme dans les autres métiers. Ils ne sont pas restés à couper du bois avec leur hache et tout ça. Maintenant, ils ont autre chose. Ils ont des tronçonneuses, ils ont des tas d'outils qui n'existaient pas. Eh bien, dans notre métier, à nous, c'est exactement pareil. Je vais vous raconter, par exemple, qu'au début, en 1944, quand je suis rentré à la radio pour faire des émissions dramatiques, on employait, par exemple, pour faire des mitraillettes, une caisse de résonance en bois avec une espèce de crécelle qui était posée dessus. Et plus on tournait vite, plus la pétarade allait loin, enfin, etc. Donc, quand on faisait les pas, par exemple, des soldats, on avait une autre caisse en bois avec des bouchons reliés à des ficelles et on s'amusait à les faire marcher. Et on avait l'impression d'avoir une troupe en marche. Bon, bah, tout ça ne se fait plus. Maintenant, on ne fait plus ça. On se casse plus la tête, par exemple, pour chercher un coup de canon ou un orage. Ou si on ne l'a pas, bon, bah, on le fabrique, nous, dans le studio. En donnant un grand coup, par exemple, avec ma main sur le piano, ça donne rien au départ. Mais si on l'a enregistré en 38 et qu'on le passe en 19, on obtient déjà un autre bruit. Et ce bruit, si on le réenregistre en 38 et qu'on le repasse encore en 19, on obtient encore un autre bruit, etc., etc. Avec un coup, on peut obtenir 5 bruits différents, grâce à la technique, bien sûr, qui est moderne elle aussi maintenant. Et donc vous faites des recherches en définitive? Continuellement, oui. Mais même chez moi, je m'amuse à rechercher quelque chose. J'ai un atelier, j'ai un jardin. Eh bien, je cherche, je travaille. Si, par exemple, je trouve dans mon atelier un outil qui grince ou quelque chose, il n'est pas acheté. Surtout, il ne faut pas le jeter. Il faut le garder. Plus il grince, meilleur il est. Il va peut-être me servir un jour à faire une porte qui grince. Et votre vie est dominée par le bruit et l'utilisation que vous allez en faire ou l'imitation que vous voilà, allez en faire. Exactement. Ça ne correspond qu'à ça, mon travail. D'ailleurs, ma vie entière ne correspond qu'à ça. Je serais incapable de faire autre chose, je ne crois pas. D'apporter de la nouveauté, oui, mais pas faire un autre métier, je ne pourrais pas. Je ne sais rien faire dans un autre métier, je me suis trop donné pendant trop de temps, trop d'années à ce métier. Et ce talent et cette spécialisation a fait que maintenant, vous gagnez bien votre vie. Ah, mais je la gagne même très très bien, je dois dire. Je suis un privilégié dans la profession. J'ai des enfants, une femme adorable, un chien, un fennec, un chat, des poissons, tout ce qu'il faut. Et avant, j'avais un élevage de volailles, de poules, de canards, d'oies, de dindes, de tout ce qu'on veut. Que vous gardiez et que vous laissez. Que je gardais d'ailleurs, ils sont morts de vieillesse. Uniquement pour m'amuser, pour mon plaisir personnel et pour les étudier aussi. Est-ce que vous les dressiez un peu? Je veux dire, est-ce que ces poules vivaient comme des poules ou bien est-ce que vous leur parliez? Est-ce que devenaient autre chose que non, non, non, je les laisse vivre comme elles veulent. Ah bon? Il n'y a qu'une seule bête à laquelle j'ai essayé. D'ailleurs, ça avait très bien réussi, c'était la dinde. Mais non. Donc les dindes ne sont pas si dindes que l'on dit? Non, elles ne sont pas si dindes que ça. C'était une dinde qui avait évolué. Ah oui, oui, elle avait évolué. Puis je l'aimais bien parce qu'elle n'avait qu'une patte. Elle avait une patte et l'autre qui était boiteuse. Quoi. Enfin, on l'appelait patte folle. Alors je l'ai conservée très longtemps d'ailleurs. Celle-là, elle est morte, elle avait, je ne sais pas moi, pas loin de 10 ans. Et qu'est-ce que vous arriviez alors à lui faire faire? Elle me suivait comme un petit chien. C'était déjà beau de l'amener là. Moi, j'ai eu une poule comme ça, que j'avais eu tout petit, et à qui je parlais, on dit elle parle. Mais les bêtes elle sont me très parlait, parce qu'elle avait des émissions, enfin, de voix, qui étaient différentes selon ses sentiments. Bien sûr. On comprenait parfois quelque chose, ou on croyait, on interprète souvent. Mais quand elles étaient rentrées, moi, le soir, par exemple, dans leur petit cabanon, j'avais qu'à faire... Elles venaient toutes. Elle savait très bien que j'étais là et que c'était certainement pour manger ou pour boire. Elles répondent, elles savent très bien. Mais j'avais un chien d'ailleurs qui vivait avec ces bêtes-là. Jamais il a touché une bête. Les bêtes entre elles s'aiment bien aussi. C'est la nature, c'est la vie. Bon, alors dans cette vie chez vous, avec vos bêtes, vos enfants et votre femme, vous avez des enfants ? J'ai deux enfants, oui. J'ai un grand garçon qui a 25 ans, qui est aussi bruiteur à la radio. Ah bon? Alors c'est héréditaire, ça? Oui. Et j'ai une petite fille. Alors, j'ai une fille qui a 8 ans, qui aura 8 ans à Noël. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, elle, dans la vie? Ah ça, on n'en sait encore rien. Elle est un peu jeune pour y penser. Mais le garçon, alors lui, est ravi d'être ici à la radio avec moi. Il a trouvé un très bon travail. Mais est-ce que votre fille s'intéresse à ce que vous faites? Est-ce qu'elle en... Ah oui, elle me dit toujours, papa, moi plus tard, je vais travailler à la radio avec toi. Eh bien, voyez bien qu'elle sait ce qu'elle ah veut oui. faire. C'est ce qu'elle veut, oui, elle aura le temps de changer encore. Hein. Non, parce qu'elle vous entend. D'abord, elle doit écouter les émissions de radio que vous faites, d'une part. Oui, d'une part, et les disques qu'elle a, parce qu'elle a beaucoup de disques quand même. C'est ça, oui, vous avez fait des disques. Ah, oui. Et puis, elle vous entend travailler à la maison, parce que vous devez faire. Bien sûr. D'abord, vous devez vous amuser, d'abord. Je m'amuse avec et elle à cause de ça. Et également faire des recherches, oui. Ça va être amusant d'être enfant comme ça, de bruiteur et d'imitateur, parce que tout petit, vous avez dû lui raconter des tas de choses. Oui, et puis elle a quand même été dans certains galas, elle est quand même venue me voir travailler à la radio, elle a quand même vu les choses que je faisais. Ça l'a beaucoup amusée. Et le fils, comment ça lui est venu alors? Eh bien, le fils, c'est pareil. Le fils étant tout petit, je l'emmenais dans les galas avec moi. D'ailleurs, il montait sur la table, il faisait aussi son petit numéro, il imitait un tas de choses. Puis à un moment, il les avait oubliés. Puis, quand il a eu terminé ses études en électricité, il m'a dit « Papa, moi, je veux rentrer avec toi à la radio. Je veux faire le bruiteur. » J'ai dit « Ça te plaît ?»« Oui, oui, ça me plaît, je veux faire le bruiteur. » Et il est rentré à la radio. Et alors, si on le faisait rentrer maintenant ben oui, je vois, il est là-bas derrière la porte. Il n'ose pas rentrer. Entre, entre. Voilà. Eh ben, viens t'asseoir à côté de nous. Un bon bruit de porte. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir maintenant quelle est l'opinion d'un jeune homme sur ce métier. Eh bien, c'est un métier formidable qui apporte beaucoup de joie. Puis surtout, on n'a pas l'impression de travailler, on s'amuse continuellement et c'est très agréable quoi, de pouvoir s'amuser. Et puis, je crois que ça donne la possibilité de rester jeune toute sa vie. Ah bon? Je crois que et ça compte beaucoup. Pourquoi? Parce que tu penses que je suis encore jeune? Oh, bah oui, oui. on l'est toujours obligatoirement. Et puis on est obligé, quand on est dans une pièce, ou quand on est obligé de se mettre à la place du comédien pour... il faut penser comme lui, ne serait-ce que pour descendre dans l'escalier, ouvrir une porte, il faut se mettre à sa place, être dans son jeu. Et ça, c'est formidable. Oui, on vit un peu toutes les situations. Oui, c'est ça qui est bien. Toutes les situations, qu'elles soient tristes, gaies, quand il faut tomber, on tombe. Quand il faut... Il faut le faire de bon cœur, tant qu'à faire. Oui, il ne faut pas avoir peur de recommencer 3-4 fois. Oui, si c'est une corvée, il ne faut pas le faire. À ce moment-là, il faut changer de métier. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, en définitive, les jeunes gens ont le même avis que leur père. Parfois, ça arrive. Ça. Oui, moi, je crois très souvent. Ils ne veulent pas l'avouer le plus souvent, mais si, ils l'ont. Est-ce que vous avez envie d'imiter les mêmes animaux que votre père? Est-ce que vous avez trouvé autre chose? Est-ce que... Non, bah, je crois que lui sait faire tous les animaux, alors on ne peut pas faire autre chose. On est obligé de passer par là, non? Je crois que j'aimerais pouvoir arriver à en faire autant que lui. Faites-moi voir un épagneul. Un épagneul. Je ne sais pas si je vais y arriver, enfin je vais essayer. C'est un petit roquet, mais enfin... Oui, ça fait épagneul. Disons que c'est un petit épagneul. Il y a une différence d'âge entre nous deux, parce que Joe Noël, tout à l'heure, nous avait, avant que vous n'arriviez, nous a joué en épagneul. Alors maintenant, on voit la différence. Mais nous deux, on risque de se mordre. Est-ce que vous jouez à ça, parfois? Ah oui, oui, ça arrive. Ça arrive que dans une émission, on ait besoin de nous deux. Oui. S'il y a deux oui, chiens à faire en même temps... C'est déjà arrivé, oui. Mais s'il avait su faire des imitations comme il était bien parti au départ, il aurait pu faire du musical aussi. Seulement, je crois qu'il a perdu pendant le temps qu'il a été en apprentissage à l'électricité, en électricité. Non, puis alors, il a perdu le service militaire qui son temps, puis alors le service militaire qu'il a beaucoup perdu. Ça coupe tout. Alors maintenant, bien sûr, pour reprendre, c'est assez difficile. Non, maintenant, monter un numéro, c'est facile. Enfin, quand je dis c'est facile, je m'entends. Ça ne demande que du temps. Mais seulement, il faut se faire un an. Et il faut pouvoir entrer dans le circuit pour pouvoir faire des galas. Et c'est ça qui est très difficile. Mais je crois que c'est... Alors, je crois que là, maintenant, c'est un peu tard. Vraiment, ou alors, il faut saisir une occasion un jour. À mon avis, le musical, maintenant, c'est du tour de chant. Oui. Tandis que dans le temps, c'était des variétés. Il y avait beaucoup plus de numéros auparavant. Oui, il y avait des imitateurs, bien sûr. Il y avait des jongleurs, il y avait des sauteurs, il y avait des acrobates cyclistes, il y avait un tas de choses. Il y avait... Vraiment, ça faisait un programme. Et la vedette, tour de chant, en deuxième partie. Oui, ça existe encore dans certains musicals. Dans certains musicals, mais c'est très rare. C'est très rare maintenant. Oui, il n'y a pas de quoi nourrir constamment quelqu'un. Moi, j'ai arrêté le musical il y a 5 ans, mais parce que, justement, il n'y avait plus que des tours de chant. Vous aviez moins de travail. Bien sûr. Hein. Alors, il était préférable de dire non tout de suite et puis de consacrer davantage de temps à la radio que de m'amuser à faire des 300-400 kilomètres dans une nuit pour aller faire un gala et rentrer le lendemain matin à la radio. Oui, mais est-ce que vous n'aviez pas plus de joie tout de même à passer sur une scène, avoir le public devant vous que de faire à la radio? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai eu cette joie pendant un certain nombre d'années, de 36 à 1965. Oui, alors ça fait quand même 30 ans, ça. Hein, ça fait quand même 30 ans. 30 ans bien remplis, d'ailleurs, parce que 30 ans sans chômage. Et ça, c'est assez formidable pour un acteur de musical de pouvoir se dire j'ai travaillé vraiment toute ma vie sans avoir eu seulement une semaine de chômage ou autre. Ça, c'est formidable. Ce qui est beaucoup plus rare maintenant. Maintenant, d'ailleurs, il n'y a pratiquement plus de tournée pour le musical. Non. Les gens vont faire des galas à droite, à gauche, mais reviennent chez eux le soir ou le lendemain. Tandis qu'il y a encore 10 ans, on partait pour 2 mois, 3 mois. Et moi, avec Silence Antenne, j'ai tourné pendant 4 ans avec Robert Beauvais, Pierre Court, Gisèle Paris, les Pinsons, dont il y avait Raymond Devos. Et c'est assez formidable de vivre cette vie de musical aussi. C'est extraordinaire. D'abord parce que vous êtes toujours en contact avec des gens vraiment très gentils, très sympathiques. Les artistes sont vraiment très gentils. Vraiment, sont rares ceux qui se plaignent pour le plaisir de se plaindre. Bon, ce sont par définition forcément des gens sympathiques, sinon ils ne plairaient pas sur une voilà. scène, c'est ça, oui. J'en ai pleuré quand j'ai su qu'il fallait plus que je le fasse. J'étais vraiment malade de penser que jamais plus je remonterais sur une scène. Et j'ai retrouvé cette joie à la radio après, ça s'est refait autrement. Enfin, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir voyager, de connaître des villes que vous ne connaissez pas autrement. En somme, d'être bien nourri et d'être bien payé également. Ça aussi, c'est une joie. Moi, je conseille aux jeunes qui ont vraiment quelque chose à faire, eh bien, de faire un métier comme le nôtre. Vous, le fils, quel est votre prénom, alors? Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous appelez Noël aussi? Oui. Vous comptez continuer donc comme bruiteur à la radio toute votre vie comme ça? Vous voyez ça comme avenir? Non, je ne crois pas. Disons que j'espère continuer le plus longtemps possible à la radio. J'espère aussi faire de la synchronisation de films au cinéma. Parce que je crois que le cinéma, c'est l'avenir. Il faut s'y mettre maintenant ou sans ça, ça sera trop tard. Ah oui, c'est presque le passé déjà, le cinéma. Ah non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Et puis, je ne dis pas si l'occasion un jour se présente de faire le musical. Si vraiment je peux, si j'en ai les possibilités, je le ferai. Et pourquoi vous attendez qu'on vienne vous chercher? Non, j'attends. Disons que... Pour préparer un numéro, il faut déjà avoir le temps. Pour avoir le temps, il faudrait travailler un peu moins à la radio. On ne peut pas faire 9h-20h ou 9h-24h à la radio et rentrer le soir chez soi pour préparer un numéro. Ça ne se prépare pas comme ça. Il faut vraiment être sûr de soi. En plus, après, il faut le rôder un peu. Alors tout ça, ça demande des années, je crois. Et plutôt que de le préparer mal et de le présenter, que ça ne soit pas accepté ou très mal accueilli, je préfère mettre beaucoup d'années, 10 ans, 12 ans, je ne suis pas pressé, et que le jour où je vais le présenter, ça sera quelque chose de parfait. Puis c'est-à-dire qu'avec le musical, il faut choisir. Ou on a une vie de famille, et à ce moment-là, on fait très peu de musical ou pas du tout, ou alors on élimine un peu sa vie de famille et on fait du musical. Il y a ça aussi. Ça, c'est important. Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui font du musical et qui font encore des tournées, ou des galas en tout cas, et qui sont partis très souvent et qui ont une famille. Oui, mais elle est très limitée, leur vie de famille, je trouve. Enfin, moi, je trouve personnellement. C'est-à-dire que, de toute façon, l'artiste, enfin, c'était auparavant, ou le saltimbanque ou le baladin, ça n'avait pas de vie de famille, ou ça se baladait en famille. Ça se baladait en famille, c'est ça, voilà. Là, c'est parfait. Là, ah, ça serait très intéressant. Alors. Voilà, tout de suite. Tandis que maintenant, Gilbert Bécaud laisse sa famille à la maison et s'en va en gala dans le monde entier. Oui, c'est ça. Mais alors, enfin, c'est bien quand on est Gilbert Bécaud et que... On est sûr qu'on est bien accueilli par le public. On a une autre compensation à côté. Tandis que si on est un petit artiste qui a beaucoup de mal à arriver à faire son chemin, je crois que c'est beaucoup plus difficile d'être seul dans une ville éloignée, de ne pas avoir sa famille auprès de soi. Je crois que ça compte. Vous croyez que la famille, en tout cas, de Gilbert Bécaud est contente de le voir tout le temps partir ? Sa famille, non. non, ça, de son... Mais je suis sûr que lui, c'est une joie pour lui de retrouver son plaisir et d'être à chaque fois acclamé et très bien accueilli. De retrouver ? De retrouver son public. C'est quand même... Parce que là, il retrouve vraiment... Son public, c'est presque sa famille. C'est sa grande famille. C'est sa grande famille, là. Parce qu'il est accueilli, il est accepté. Tandis que je crois qu'il y a un petit artiste qui a... Il a du mal. S'il est mal accueilli, il rentre le soir dans sa chambre d'hôtel, il n'a aucune compensation. S'il n'a pas eu un succès, s'il n'a pas eu quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que vous faites des métiers, enfin, où nous faisons tous des métiers qui autrefois étaient des métiers des baladins, ainsi que nous l'avons dit. Et puis maintenant, le baladin s'est embourgeoisé et ça ne convient plus. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, ta mère, elle en avait marre de me voir partir. Elle disait, quand même, quand est-ce que tu vas arrêter le musical pour rester un peu avec moi ? C'est ça. Ça fait des années que je te vois plus. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus rien. Mais il y a la femme de marin, c'est pareil. Et la femme du marin, c'est pareil. C'est une vocation, je crois. D'être femme de marin, femme oui. De femme de marin, oui. Mais oui. Alors, ce qui est formidable, c'est de pouvoir voyager avec sa femme. Quand on n'a pas d'enfant, c'est formidable. Il ne faut pas se priver d'avoir des enfants, non ? Ah bah non. J'adore les enfants. Heureusement que vous dites ça devant votre fils. Ah, mais il le sait d'ailleurs. J'adore les enfants, j'aurais pas pu concevoir ma vie sans enfants. Mais dites-moi, vous travaillez, vous me l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous travaillez ensemble aussi parfois. Ah oui. Et si vous qu'est-ce que vous pourriez me faire, voyons ? Si vous me faisiez, on va prendre une chose assez banale, quoi. Une bataille de chien et de chat, par exemple. Oh bah oui. Ça c'est facile. Alors tu fais le chat, toi ? Oui, allez, vas-y. Allez, moi je te vais faire le chien. Les bruits de ma ville, je ne les entends pas, mais j'imagine comme ça que l'autobus fait. Que l'agent de police fait. Et que ma femme fait et bliqué bloc et craque et ratabata et bliqué bloc et snif nif nif et bliqué bloc et craque et ouba ouba c'est la fille symphonie. C'était « contre-champ avec Joe et Noël Bruiter, une émission de Dominique Varenne, diffusée la première fois le 24 décembre 1970 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.